Allez, avance. Oh, il a ça. E Nico roba c'è in padre, vada a cercare o ne ha fatto? Oui, donc là, tu n'as pas avancé encore. Ils m'ont dit déjà que j'ai de la chance. Allez, Rabat. Passez, allez. Peut-être à l'ambiance. Ouais. Peut-être, ouais. Ouais, ouais, bah, tentative, je vais faire une tentative. Vous ne cherchez pas des acteurs, monsieur ? C'est gentil. Est-ce que vous vous rappelez de comment ça s'appelle ? Oui. D'un côté de moi, c'est une petite. Je n'en doute pas.